Ambrosio, Ambroise. Exactement, ses parents, je ne sais pas comment il l'appelait. Mais il avait déjà deux frères à l'état civil qui s'appelle Pierre. Donc c'était Pelletier Pierrèche. Ambrogi Parot, altzukitarra sortzauz, Jon, Unai eta hoi entzuten dugun Ursoa Paroten aita zen. Ursoa Parotek emandeiku alkarrizketatio bat, nune, be familiaen ibilbidia kontatzen dian, aitatik hasik, Algeriala junik, han hauren ama ezagutu, Nafartar Andaluz bat, eta nula etxekuen bizitzaen ikusteko moldeaen berme beak jaikidien, eta nula ibilbide hoi jeraikiz, bai Unai eta bai Jon bea anaia bizi guzitako zigor bat eta kondenatuik dien kartzeletan, Frantziako eta Espainoako kartzeletan. Parot familia horrek unhue bat badu, nula spait erraiten ahabalin bada unhue dela, Parot doktrinai, eman beitie ben izena, Espainiak aplikatzen dian lege bat da hau, eta abokatu batek esplikatzen deiku zer den doktrina hoi. Doktrina azken finean ez da lege bat, baizik doktrina da baitegiek hartzen dituzten erabakiak, zeinak legea interpretatzen duten modu batean, eta hori izango dan aurrerantzean lege hori nola aplikatuko duen edo emango duen bidea. Legea gauza bada eta lege hori epaiek interpretaziopean aplikatuko duten, hori da azken finean doktrina. Lehengo Espainiako kode penalak posible egiten zuen zure pena osoaren gainean hainbat onura aplikatzea. Gazten zeundela, zure jarreagatik zigor asko jasotzen ez baituzu, ba horren arabera ere bai. Eta orduan zure penaren gainean hainbat onura ezarri eta urteak entzen ziren zure sententzia. Nola aplikatzen zen hori? Kartzelan 30 urte baino gehiago pasatzea zan posible. Orduan egiten zena zan 30 urte hoiek hartu osotasunean eta hortik hasi deskontatzen. Hori horrela zen. Adibide bat emaiteko, epaiketa batean gertazitekeen epaileak hainbat urte ezartzea pertsona bati, kontutan hartu behar dugu terrorismotzat hartzen diren delitu hoiek kode penalean oso urte piloarekin zigortzen direla, beraz ezten zara pilatzen 20 urte eta agian 100-100 kondena izan altzen duen, baina maksimo bat dagoela azpetxean pasatu aldituzun urte begira. Lehengo kode penalaren arabera 30 urte ziren. Naiz eta 100 urteko sententzi bat izan, 30 urte horien gainean hasten zen onura hori aplikatzen deskontatzen. Baina 2006an egiten dena da beste modu batean interpretatu hori, onurena. Egiten dena da onura horiek kondena osoaren gainean aplikatu, beraz modu efektiboan, de factoan, maksimoa betetzera zigortzen ziren presoak. Zein da arazoa hemen? Deskontatzen hasi ez 30 urteko maksimo horren gainean, baizik epaileak zehaztutako kondenaren gainean, izan zitekela 100 urte. Esan nahi da, 100 urtera 10 urte kentzen badizkiogu, kondenak esan nahi du 30 urte integroak bete behar dituzula. Jon Aginago, Akaiztarazu, Juan Carlos Agusia, Patxi Gomez López, 2021-2021 el Kiko. Parot, familia, Parot, doktrina, Parot, doktrina hunen menpe, egun jutan hoita hamar bat, eskaz, euskal preso dia, ez dakie nuize elkiko dien, zumaite 2005, 2006 urtiak luzatzen aizaitze eta Espainiako estaduak eta administrazione judizialak bizioae hurun pusatzen duzen eta azken kasietan, preso zumaitek libratu beharian, goizan libratu behar, ordian deie jakinazi, hamabi urte, habo iganen zutiela kartzelan, doktrina Parot roi ezai beitzeien bizkaran gainen. kartzelatik elkitzeko goizan nahiz eta sententzia hamaregun lehenago jakinik zen. Abenduan iruan, nire anaiak ja zigorra bete itezu. 18 urte eta 5 hilabete. Familiar batzuk eta lagun batzuk, abenduan iruan, astelena zela, juntzian area topasea, pentsatuz batera ingozala. Eta, bueno, antzeudela, Ramon ere barruko presoa de bai, itxoiten zeon aberze esaten zioten, eta goizeko behatzitan enteratu ginean Audientzi Nazionalak dotrina parota aplikatu ziotela. Eta gero, abokatuak esan zigun, Audientzi Nazionalak eta juezak eta bazekitela 10 egun lehenago, ja aplikatuta zeukala zigor hori. Orduan, bueno, egun horretaraino itxoitea hoi esateko, izan duzan oso gogorra, esperantzak sortzizkitzu, eta bai barrukuai, bai kanpokuai, eta golpe latza izan duzan. Eta, klaro, guain parotakin, 18 urte eta 5 hilabete onda gero, 30 urte arte gehiago luzatzen diote zigorra. Esan nahi du 12 urte gehiago merdula barruan. Beraiek bazekiten lehenago, abisatu zezakete bai abokatuari, bai familiarrai edo baita barruko presoari, baino itxoin zuten zigorra kumplitzezun egun bertan, esateko ez. Etzea ateatzen, hemen gelditzezea 12 urte gehiago. Beha egun batzuk lehenago, nervioso zen, baina, golpe egun dina etxekoak. Eta parot familialat arraziteko altzukuko sortzauz, beraz, aita eta 8 urtetan behar izan du jun bordeleat eta ahan uska ahatze. Eta haleike, emeki familia batetan errezebituik izan zelakuan estudioak egin eta kontzientzia piztu, injustiziaena eta mundu juntako goabehetaz jabetu eta nunbait bizkarra etzela sekulane apaltu behar kontzientzia hoi die jasan edo bildu familiatik. Parlez beaucoup avec les enfants, on entendait tout le temps parler de tout, quoi, de philosophie, de politique, mais dès petit. C'est quelqu'un qui était ouvert et qui discutait et qui était très, très, très riche culturellement. Voilà, ça a fait beaucoup pour notre conscientisation, c'est sûr, oui. Il a pu se cultiver et donc lui, il a gardé cette fierté, contrairement à d'autres, à qui on a inculqué la honte, et il nous a transmis ça, quoi. Bigeren gerla mundialian, parotaita prezu hartuik da eta Alemaniat jamanik stalag delakuetat. Nune etzien kan de konzentrazion delako hoik, baizik eta laboai etxetan lan egin behar zen eta hunen kontzientziak etzeion ez usten behan bian zeratuik izatea beak behitzion prezune bat eskapatzeko eginik zela. Les prisonniers ordinaires se retrouvaient dans les camps ouverts, ils allaient travailler dans les fermes, dans les usines. Ils étaient souvent comme des coqs en pâte. Mon père était traité comme un fils de famille. Il aurait pu rester comme beaucoup planqué, entre guillemets. Mais pour lui, un prisonnier doit s'évader. La première fois, il a échoué, il a failli en mourir. On l'a amené à couper des troncs en plein hiver dans l'endroit le plus froid d'Allemagne. Il a réitéré, et ce coup-ci, il aurait eu le peloton à l'exécution. Mais il a réitéré. Pour lui, il fallait un prisonnier doit s'évader. Jon, Unai eta hoien zuten dugun Ursoa Parot Algerian sortu dia. Algeriako gerla ezagutu eta Algeriat ze karietan edo juntzen be aita aipatzen deku Ursoak. Un hasard l'Algérie, parce que ça aurait pu être l'Amérique ou Paris. Mais à ce moment-là, ils appelaient à coloniser pour le petit peuple, pas les vrais colons, l'Algérie en offrant des postes avec des salaires plus élevés. Et donc il a suivi sa mère, qu'il ne voyait pas depuis des années, et un des frères et une sœur. Sa mère est même morte en Algérie, mais Il a rapatrié le corps après à Al-Sukku, voilà. Mais donc il a enseigné pendant tout jusqu'à la guerre d'indépendance algérienne. Eta Algeriako gerla horta ane, parot aita ez da kolonialista bezala agertzen, ez da Frantziako estaduaren botzeara maile eta haien teorien aplikazale eskoletan, hulianike errebelde jeraikitzen du beste kolon hanitz hala etzien bezala. Il était pour l'égalité des droits, ce qui était rare chez quand même les colons, même les petits colons, que ce soit les Algériens et les Autochtones, alors qu'ils étaient traités, c'est comme il y avait un apartheid, quoi. Et lui, il était pour le droit des votes, le droit de vote, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, quoi. Surtout pas des colons. Jon Urzua eta Unai Parot Algerian sortuk, etxekuek hantzien alkar ezagutu. Aita entzun dugun bezala, Frantziako administrazioniak pusatzen zutien emigrante tipi haietaik zen hat fortuna egitea Frantziak otxamaiten behitzutian, ama aldiz Algerian sortu da, be etxekuak edo herruak, erdi Nafar, erdi Andaluzak dia, eta sen haremazte gazte hoiek, Algeko uskal etxian zien alkar ezagutu. Eta aitaen ganik entzündugun bezala kontzientzia politiko bat, Bizkaran ez apaltzeko etika bat bildu barin bazien haurek amaenganik beste baloreik eskuratu zien. Dans Franco a commencé à massacrer tout le monde en Espagne. Eux c'était des pauvres, ils étaient croyants, mais une façon d'être croyant, comment dire ça, on voyait qu'ils n'avaient pas subi les 40 ans de franquisme, le catholicisme obligatoire et réactionnaire. Ils ouvraient la porte, ils avaient la porte ouverte chez eux en Algérie, alors des pauvres, sept enfants. À tous les communistes, les anarchistes, aux athées, tout le monde qui s'est installé chez eux. Ma mère se souvient enfant, elle avait des réfugiés espagnols chez elle. Et donc ça, c'était cet esprit de Sud, la solidarité et cet esprit social. Et notre mère, c'est la solidarité. En fait, il a choisi ma mère, d'abord la famille de notre mère, mon père. Parot familiaen soka tiatzen balin bada, uduida arahenki, hitzordu bezala, jiten zaitzela polboaen urinak eta bumbak, presuntegian izanik aita, hantik eskapik, represioa, fasismoa ezagutuk Alemanian, eta hortzaz gain Algeriala heltu onduan ebai berrize gerla present familiaen erditan. Oui, oui, on a des souvenirs, sauf notre plus jeune frère, pour lui c'est presque... au stade de... Pour lui, les bruits des bombes, c'était des bruits de pétards. Mais pour nous, oui, on a vécu quand même, on a eu des gens de notre famille, parce qu'il y a eu plusieurs personnes de la famille qui étaient là-bas. Il y a eu des gens, au moins un qui a été tué, deux tués, un dans la campagne, un dans la ville. Algerian gerla betia, familiak idiak hiltzen, Algeriako gerla hortan, Parot familia aite tamak arrenkatuik beldurak hartuik ebai balinba edo etxekuen ardura gutienez haurek etziela testinguru hoietan bizi behar deliberatu zien Tolosat jinen ziela aita urte batez uano Algerian batu zen hanko gaizen azken gaizen kumpuntzeko eta ama haurekin jin Tolosat Tolosan zela emeki emeki euskal kontzientzia bat sortu hauren beitan eranen deiku Urzua Parotek benale helehenik haik haitatu deikun kantoe bat eginen dugu beraz etenaldi jo bat ipar lehotik berezi hontan. Bah, il y a un artisan. Oui, canto ebat. Allez. C'est une des premières chansons, par hasard, que mon frère Yon nous ramenait d'Iparralde quand on était encore à Toulouse. Je ne comprenais pas l'euskara. Et j'ai su plus tard que c'était une chanson très triste. Mais c'était une des premières où j'entendais vraiment l'euskara chanter. Et j'avais trouvé ça mais très beau. Je me disais, oh l'euskara, quelle belle langue. Et en fait, c'était une chanson qui parlait de torture. Alors, est-ce que c'est le destin, hein? C'était Itziaren Chemea, chanté par Pancho et Tapeyo, j'avais trouvé ça, leur voix, voilà, merveilleuse, et l'euskera, merveilleux. Itziaren Chemeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean, tinko eta isilik egiten. Goliarren semea hori dut mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Arro ego ditake magin eskatila, ez petxetik galita joaren zaio bila. Magin eskatila hori dut mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Aurraz ere egin naute holana gertzeko, ama jo egin naute mintza harazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Jali haiz garbia, bai ama egia, tamak eskaini zion klabelin gorria. Itziaren semea hori duk mutila, bihor salatu baino nahiago du bila. Arro ego litake magin eskatila, ez petxetik jalita joaren zaio bila. Magin eskatila hori dun mutila, bihor salatu baino nahiago du bila. Zazpigizan mituen joka inguruan, makila zartu daute hostiko zlurrean. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, tantxen gelditu dira fetxiliak inbarik. Lagunen izenik ez baitut eman nik, tantxen gelditu dira fetxiliak inbarik. Lau aldiz sartu naute gurean, gotik eukin haute zintzilikatua. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxikak inbarik. Zangotik zintzilik, ni beti isilik, tantxen gelditu dira fitxikak inbarik. Itziaren txemea hori duk mutila, ni hor salatu baino nahiago du bila. Arro egon litake magin eskatila, ez petxetik jalita joanen zaio bila. Magin eskatila hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago du bila. Izerdia ta odola burutik behera, ez bainak urratuta zazkalak atera. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, tantxen gelditu dira fetxiak inbarik. Odolez beterik, ni beti isilik, tantxen gelditu dira fetxiak inbarik. Itziaren txemea hori duk mutila, hor salatu baino nahiago du bila. Arro ego litake magin eskatila, ez petxetik jalita joanen zaio bila. Magin eskatila hori dun mutila, hor salatu baino nahiago du bila. Itziaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko ta isilik egoiten. Espetxera igorri dute, amak ez du ezagutu. Amaik, uiliki, uiliki, eman diozka mimosu. Jonak Iñigo Akaiztarazu, Juan Carlos Agusia Zutarte, Patxi Gómez López, 2021-2021. Itziaren semia, beraz, Ursoa Parrotek ezagutu lukian lehen euskaldun kantoietaik bezala, beak zion bezala tortura ipatzen zian kantoe bat, destinoaren keinu bat ote zena beak zion, jakinez unai, be anaia, itzuzki torturatuk izan dela Espainiako polizien eskiala joizelaik, bena hoikoro behantxago aipatuko ditugu, anartian Parrot familia Algerian izanik Tolosat jinik dugu, jamala urte han iganen dutie, eta herri hortan da, Wano haur balde do gaztetxo zien haur hoier, uskaldun kontzientzia emek-emeki pisten hasi. Edo, Ion lene, quand il en a tiré à Toulouse, il était déstabilisé, comme tout le monde. Notre père, c'était sa deuxième guerre. Donc, il a fait une dépression nerveuse assez grave. Et donc on était perturbés avec, entre les bombes et notre père qui était malade. Donc on n'était pas très bons élèves. Et le prof, l'enseignant lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de retourner dans ton pays. Je pense qu'entre notre père et ces genres de réflexions, traités comme des étrangers, ça nous a aidé quand même à nous conscientiser. Il se trouve que c'était encore les dernières années de Franco. Et nous avions les échos, comme notre père aussi. On avait toujours de l'information, les journaux, sur tout ce qui se passait au Pays Basque. Et on savait donc la persécution et surtout la réaction, l'attitude des Basques face à ce fascisme et à cette répression. Alors on était hyper fiers encore plus que notre père d'être Basque. Comme on était déjà quand même assez politisés avec l'Algérie, voir que les Basques ne se couchaient pas, que c'était les seuls. On n'entendait parler que des Basques. Quand on parlait du fascisme et des morts et des exécutions, que des Basques qui se rebellaient, qui refusaient ça, on était hyper fiers, quoi. Fascismoaren kontre gudukan aiden populu batetako seme alhabako kontzientziaz jabetzen eta haro, euskaldun izatez. Euskaldunak ebeitzien, hen ikuspuntien abea bakotsak Espainian, fascismoai bu egiten zakienak, Frankoen bu egiten zakienak, eta nulazbait haro tarzun edo hain haro den lurralde hortaik hilantzeko, Parot anaia rebek delibiatzen die baiunat jitia. Et donc à un moment, on n'a plus tenu. On s'est sauvé, les trois enfants, on est venu à Bayonne, en Euskalerie, parce qu'on ne supportait plus. On avait besoin de retrouver nos racines et ces bases qui étaient si, si dignes. Mais pour nous, c'était quelque chose de positif, de riche. On avait besoin de se sentir chez nous et dans cet état d'esprit. Voilà. D'accord. Et il se trouve qu'à l'époque, à Bayonne, ça ne concernait pas que la répression franquiste, ne concernait pas que Euskadi et Gualdé. Parce que nous, quand on a atterri à Bayonne, je pense que ça aussi, ça nous. Je pense que mes frères sont en tôle. C'est lié à ça. Mis à part que notre jeune frère Unai, tout petit, je me souviens encore, il témoignait en pleine classe, il faisait des exposés sur la torture qui se faisait en Euskalerie contre les Basques. Il a été marqué par la torture à tous les niveaux. Il a dénoncé la torture, il n'avait même pas 14 ans. Il s'est retrouvé torturé lui-même. Puis bon, c'est comme ça. Je suis émue parce que la torture, c'est les gens ne réalisent pas ce que c'est. On y parlait quand on est arrivé, nous. C'était le début du combat, les icache-toi étaient interdites, on faisait dans les maisons. Mais quand on a atterri à Bayonne, donc les trois, on l'a suivi. On n'en pouvait plus de rester à Toulouse. On avait besoin de faire quelque chose, on se sentait inutile. Et on se disait, tiens, j'ai peut-être des. On avait envie d'être utile. De se battre pour quelque chose qui valait le coup. Eta baiuna heltzian, euskaldunentzat, euskal herria eta be hizkuntza maite dien jenteentzat ez da egoerarik hobena ursoak zion bezala ikastolak erdi debekatuik eta hortzaz gain bataion bask-espanyol delakuaen ekintzak hasten dia. Agorilaen hiutan hoita zazpian Lopategi Angelun ehoida, 1900 eta hiutan hoita hama zautzian aldiz Irunen Martin Merkelantz, abentian hiutan hoita hama zazpian Yolanda Martin alderdi sozialistako kide bat Madriden, Berri Zara hiutan hoita hama zortziko abentian hoita batian Jose Miguel Beñaran Argala, hau Angelun ehoita, eta zerrenda luzatzez dua, maiatzaen hiutan hoita himetzian Peru Larrañaga juristia Baiunan ehoik, jutan hoita himetzian Enrique González Alvarez ebai Baiunan, aldiz jutan hoita himetzuko aramaiatzaen hoita sortzian, hiu egun beantago Paisen Martin Izagire eta Aurelio Fernández ehoik dia, setemeaen hoita sortzian mila bedatzen eta jutan hoita himetzian beti Tomas Alba Irazusta herri batasunako zinegotxia astigaragan, lautan hogei haren otsai apilain bian Jesus Zubikarai badiola ernanin eroik, apilain himetzian lautan hogeieko urtian beti Filippo Sarnaga Ormazabal herribatasunako zinegotzi ahaue bai, maiatzain zortzian lautan hogeian Mari Rose Bravo del Valle hau Donostian ehoida eta maiatzain hamekan Donostin Maria Jose Bravo ehoita zerrenda beti luzatzez dua gorilaen zortzian Angel Etxaniz Olabarria herribatasunako kide ondagoan eroik, setemea inberriz Arbelaitz Miguel eta Luis Elizondo herribatasuneko kidia kernanin ehoit lautan hogeieko azauan hamalauian, Esperanza Alfonso Arana eta Joakin Etxebarria Venezuelan ehoidia, mila bedeatzehen eta lautan hogeian Joakin Animastaber Eskoz, ernanin ehoik eta azauan hogeita hiuan Hendaiako ostatu batetan ekintza bat bada, hamar zauritu balin badia, Pierre eta Jean Jose Camino Armendia ehoike dia. Abentian hoita hamarian, Jose Mari Sagardia Zaldua miarritzen ehoida, lautan hoita bateko martxuan, Francisco Javier Zinkunegi Andoain Antza herribatasuneko kide ehoik da, eta lautan hoita batian Bataion Basque Espainoleen ekintzak ukiatzen balin badia, behantago gala sortuko da, testinguru juntan dira beraz agertu Parot anai arrebak baiunat. Ce que je disais, le franquisme, les le fascisme à l'époque, donc c'était 75, 77, avant 77, sévissait dans les rues de Bayonne. Et Yon lui-même, et il s'est retrouvé dans un bar-restaurant, il a failli sauter sur une bombe de la police franquiste. C'était le bar Etchabé, donc je pense que ça a pas mal conscientisé aussi cette histoire-là. Il a raté de peu, ils ont évacué le resto au dernier moment, quoi. Et ça a sauté, quoi. Garai hartan Ion Parrotek 16 urte eterdi baizik ez dutu eta aitaek barne alatu deitzon etikak jeraikiz, zerbait egin behar diala basakeia hunen erditan, bazterotan hilak, bumbak, ekintzak, hasten da esku kaldu edo behenaen abeko laguntza ekarten. Il fallait surveiller pour éviter qu'il y ait des réfugiés entre autres qui soient victimes d'attentats, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui avaient été tués. Et donc, ils faisaient des rondes, c'est le bataillon basco-espagnol. Et donc, ils ont commencé avec des gens solidaires d'Iparralde, organiser des rondes, surveiller les maisons, voir s'il n'y avait pas des bombes sous les voitures. Parce qu'il y a des gens qui sont morts comme ça, et les bombes qu'ils ont mettaient la nuit sous les voitures. C'est comme ça, ils ont commencé comme ça très tôt. Mouna, il n'avait même pas 17 ans, 16 ans et demi. C'était naturel. Comment c'est ça ? Pour nous, on s'est trouvé dans un moment historique à deux périodes. Algérie, c'est des périodes historiques, peut-être qu'à un autre moment, ils ne se seraient pas engagés aussi loin. Mais quand vous voyez ça, le franquisme qui vient mettre des bombes, des gens qui n'ont rien fait, parce que la plupart c'était des familles paisibles, quoi. Ben, où vous tournez la tête, où vous vous engagez. Mais vu l'histoire de la famille, la mentalité de notre père, qui était un esprit rebelle et attaché à la justice et à la dignité, vous pouvez difficilement être indifférent dans notre famille. On n'a pas un esprit d'égoïsme, d'individualisme. Mais nos deux parents, hein, ma mère aussi, nous ont transmis un grand esprit de solidarité, de dignité. Vu ce qu'on nous a transmis, on ne pouvait pas ne pas s'engager parce que ça faisait partie de ce qui nous a été transmis. C'était dans nos gènes, dans nos caractères. On ne pouvait pas tourner la tête. Buia ez unguatzen ahal uskal irrealitatia ikusten, uskal populiaren ezestatze, ukatze eta operazioni militarak ikusik Parot anaiek erakundian eta erakundiaren sartzia delibiatzen die. Oui, mais mon père commençait un peu à se douter, parce qu'il était pas si bête. Ils ont même pas été étonnés. Ce qui les a choqués, c'est le traitement qu'on pouvait leur infliger, parce qu'on a de suite su qu'on torturait mon frère Unai. Mais mon père s'est senti quand même coupable. Pour lui, ses fils étaient en prison, parce que c'est lui qui leur avait transmis ses idées. Il s'est senti tout le temps coupable, mon père, parce qu'il ne voulait pas que ses enfants souffrent. On fait pas des enfants pour qu'ils souffrent. C'est vrai qu'il avait la responsabilité, parce qu'il aurait pu, en vivant en exil, occulter ce côté-là. Mais comme il avait gardé son âme, il ne pouvait pas la mettre dans sa poche, quoi. Et donc ses fils ont suivi le processus normal. Et c'est lié au moment historique, sur qu'à une autre époque, ça se serait passé différemment. Et les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Mais quand on vit cette époque intense, le franquisme dans les rues de Bayonne, et l'interdiction des écoles basques, comment dire ça, ce sont des moments très intenses où on doit s'engager. Ce n'est pas la majorité des gens qui s'engagent. Mais dans tous les pays, c'est une minorité. Il faut avoir un bagage familial et personnel. Les circonstances de la vie, nous, c'est un peu l'Algérie, le caractère de notre père, le vécu de notre père, c'est le bagage. C'est toujours des minorités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs. Hein. Mais partout dans le monde, il y a une minorité qui s'engage plus directement. Mais ce n'est pas des forcenés, des dingues. C'est parce que les circonstances historiques l'exigent. Si on se sent un peuple qui est encore vivant, qui a une âme, et bien il se bat pour garder son âme. C'est tombé sur nous, mais bon, on ne le regrette pas. C'est comme ça. C'est l'histoire. Hein. Le jour de son arrestation, mon frère Unai, il suffisait qu'il tire dans son coffre, qui était destiné à d'autres personnes, des militaires. La voiture sautait, lui-même de loin, il la faisait sauter, mais il y avait une école à côté. Mais il s'est fait arrêter parce qu'il n'a pas voulu. Il y avait des mères qui venaient chercher leurs petits-enfants. Ben, s'il avait tiré dans son coffre, il se serait sauvé, mais il n'a pas voulu faire des blessés d'innocents. Et ils l'ont reconnu en premier procès, donc c'est tout à fait l'humain, le contraire du monstre, quoi. Arrestatuik, Espainiako poliziaen esku batzen da Unai Parot. Zer torturatu bakarrizan, kobratu nahi dut eukari hauzien beste torturo batzuk izan zirela. Euskal Herrian torturarekin gertatzen diren gauzak ez dira kasualitatea. Espainiak giza eskubideen konbentzioaren hirugarren artikulua urratu du. Torturatu egiten dira. Tortura, Espainiako estatuak hain ahinki eta hain aiza jabilten dian tresna. Eta sortu denetik, 1940 himetziaz geoz, 10.000 euskaldun torturatuk izan liateke haietaik bat. Unai Parot. J'ai vu mon frère devant moi, quelques jours après, parce que lui, ils l'ont torturé 5 jours et 5 nuits, et je l'ai eu dès le 7e jour devant moi, et on m'a accusé de mentir, alors que moi, j'étais témoin. Et donc, ça fait mal, quoi, parce que c'est quelque chose de très très grave, c'est un crime qui a été fait à des dizaines de milliers de Basques, et qui encore, c'est pas encore... vraiment, les gens ne réalisent pas. Qu'est-ce que c'est ? Cette torture est très bien fignolée, elle est scientifique et c'est très efficace. Une torture sans trace, mais c'est horrible la torture sans trace. Elle est hyper efficace et c'est de la vraie torture. Hein. J'ai vu mon frère, j'ai vu quand même les séquelles de cette torture, même si bon, il avait quand même des cheveux pas mal arrachés, il avait suspendu par les cheveux. Sa façon d'être, ce qu'il me disait, on voyait que ce qu'il avait subi, c'était vraiment comment dire, horrible quoi. Ne pas dormir pendant des nuits, ne pas boire. On vous tapait avec un gros listing de téléphone sur la tête pendant des heures. Alors le pire qui ne laisse pas de traces, c'est ce fameux sac en plastique. Alors ça dépend, il y en a, on leur fait 3 fois. À Unai, on lui a fait des dizaines et des dizaines de fois. Et à chaque fois, vous voyez la mort. Je sais, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait vu là. C'était horrible. C'est pas très, très... On ne peut pas le décrire. C'est comme une noyade... Et au dernier moment, on vous rattrape. Et là, ça recommence. Et à un moment, ils veulent mourir. Même lui, il a essayé de chercher quelque chose pour se couper les veines. Emeki euskal jentarteko jente zumait, tortura horrean realitatiaz jabetzen hasi dia, torturatuk izan dienen jakileguen biltzen, libriak eginik izan dia, torturaren unguko logika eta estadu tresna zelakoaren unguian ebai idatz lanak eginik izan dia, bena Espainiak zazpiahalak beti egin ditu holako gaizak, mundu zabalik izan ditian traba egiteko. Madrilgo prentza eskatu zuten, liburutegietatik kentzeko. Be anaia torturatuik izan zelakoan Ursoa Parroteke bai zazpiahalak egin ditu realitate runen mundu zabalai jakin azteko, bena etzen lanika izena. Ils étaient interdits d'entrer en Espagne pendant plusieurs années. Comité contre la torture, il y avait la Croix-Rouge internationale qui a le droit de rentrer, mais c'était interdit en Espagne. Moi, j'ai alerté de suite les organismes internationaux et tout pour qu'il y ait quelqu'un, parce que nous, on nous accuse de ne pas être impartiaux. On a fait un recours à l'ONU, mais comme on n'avait pas de preuves, comment avoir de preuves ? Ils n'ont même pas fait d'enquête. Là, ils viennent d'être sanctionné à l'ONU. Il y a une condamnation récente de l'ONU contre l'Espagne, et même deux en peu de temps, comme quoi ils ne faisaient aucune enquête suite aux plaintes pour torture. Rien. Ils sont sanctionnés, mais 23 ans après, quoi. Et nous, à l'ONU, il n'y a pas de preuves, bien sûr, aucune enquête. Ils n'ont même pas enregistré la plainte. Pendant ce temps, le juge Garçon, le fameux, là, qui ont mis des étoiles, mais lui, c'est le premier à avoir fermé les yeux, le juge Garçon, devant mon frère Unai, alors qu'il a vu immédiatement après la torture. Mais combien de Basques ont été torturés? Mais ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez. On parle des victimes qui les réparent actuellement, avec le processus de paix, qu'il faut réparer, il faut reconnaître. Alors moi, ce qui m'a choqué, là, la conférence de la fac, on parle de la violence. Et c'est de torture contre les Basques, entre autres, pour ne parler que de la torture. C'est pas une violence, ça? Atxilotu zutenean, boste eguneko inkomunikazioan, tortura jasan zituen, bai. Bai, nahi ere atxilotu zutenean, egzera, boste egun intzituen hor antiterrorista piano ditzei otena, eta behar esan zuen, gero espetxea, bueno, bisita jutea izan genuen, bai, diskutiz bat ditzei zigun, jasen zituen torturakin eta bar, pasen zituen, eta behar gintzei egiten duen zuen, eta behar esan zian, bueno, internu egiztaket izangoan inoen, baina behar esan zuen, internu egiztaket izala, bueno, baina arte hasen zitun, gauziko horren eta gu izan zelatea bizitza. Eta kirola bila eta tipo ondeko fuerti izan zen, baina bai, egurra zirazirazik eta buf, izitzela, itzela. Oso gorra, tortura baina hau. Baina kearen alaba eta suinak eta tortura, bere kolpeka tortura izan zen. Baina tortura, benetako tortura dela tortura zuinia. Tortura zuinia dela mingarri egiteko bat, ez dena pasatzen, ez egunetan eta urteetan ere. Ematen dizuten mila zimu bat, ematen dizuten biztie tratamentu hori, eta hortik ezin duzu bururi gatxean. Tortura, tortura, baina tortura zuia. Osalamentuan eta denek nahi dute guzia egiten. Batek eutzi, besteak hartu, eskutik eskura, nahi duten duzunea egiten, eta zuetzera nio, zuetzera ezar. Oso importantea ere markatzea hor, tortura zuri hortan, psikologikoki eta beste modu batez, ere egiten duten txantajia, emazteakin, aurrakin, aurrakin, aurra txikia bali maituzu, bizitatzeko garaian eta bar, hoi oso ondo erabiltzen dute frantzesa, semeak edo aurra bali maituzu, ba, permisoik, zeman, ez utzi, oztoko gehiena jarri, behe balakite oso ondo mina nundigin, mina, zure du intasuna zure hori nola izurratu, honek esan duna, kolpe fiziko bat jasotzen duzu, mina hartzen duzu, hori pasatzen da, baina gurasoekin, familiakin, anaiekin, semearadekin, egiten zkizuten saiakera, txantajeak eta presioak, hoi minioiek, zaurioiek ez dira errez nekatzen ez da, hoi frantzesek oso ondo baliatzen dute, eta norbaitzuk balin badira tortura zuri hori baliatzen, espertoa beti da ni frantzesek izan dira, eta hoi ondo baliatzen dute. Tortura guzietaik jasaiten duti euskal preso guziek gordinenetik, bortizkeia fizikatik hasik, Burmunian sartzen den demendren traba tipiala arte, hoi guziak torturak deitzen dia, eta presuntegi handien denboan ebai, hoi jasaiten die. Baituak, askina begiratzea, eridaduenek izaren dira. Hori da, baitua, baina, benetako baituak, horret dira. Dena dira baituak, baina benetakoak eridaldanak. Legez ez dutek egon behar. Baina baituta dira, eta ez dute askatzerik nahi, zeren gaterik era ez dute nahi askatu. Hori da, baituta, baina, iz guztiekin eta garbi, baitua dira. Dena dira, ondo zigortuak eta ez jende bezala ezagutuak, baizik eta numeroa dira, zemakiak, ez dira, ez dira jendeak, dira. Gero jokatzen dute, hola, semearekin elkartzen dira, horren erdiko gure dira uste du, zendia min. Aztapenean, hasierako hiru hilabete elkartzuten dira. Ertzala berean ibili ziren beti, batetik besteren hiru hilabetean ez zuten elkarren berrik eta semearekin ez zuten ikusi. dauela, gero hasi ziren Parisen eta gero Lyonese egite dute elkartzen, hola, egian behin, zeinarekin. Eta, ba, iduriz hori momentuz, hori jarraituko dut, bai. Epaiketa horiek pasata bere izten badituzte, gero ez dakit nola izango dira. Baina arte, beti kartzela berean ibili dira. Naiz eta elkar ikusi ez, kartzela berean. Edo, ez dakit, herri ez berdinetara banatzen badituzte, bueltako ere lan zaila dut izango. Zerbien dako ere bai. Gero zer ez dakit. Ez dakit munduari bat dut horrek. Batez ere, zotan, karrera deretan daudenean eta haiken dituzte nahi duten guztiak bat ez ere biaketak. Bere nahi dutenean bakarrik ikutu bat eta pasatzen horrekin. Baina aurrengo haiken dute nahi duten guztiak. Erropak entzera ino eta dena nahi duten guztiak egiten dute orduan. Preso batek ez du deretsurik bere burua gizon bezala edo andre bezala azaltzeko, baizik eta. Ez ez, berek hartzen duten neurria, orduan zu etzera nior, berek dira. Man. Berek agintzen dute, orduan zu etzera. Zuko behar duzu, utzi. Bere nahi duten guztia egiten utzi, bestela, zigorra dut guztu. Asko zaindu behar da, bestela, humilatu bezala, baina azken eraino. Asko zaindu behar da, lege guztia betetzen badituzu, ba, isilik guztien dizute eta pasatzen zera, baina kontuz. Ongi zaindu behar dira, hango legeak. Ez duzu ez zertan utxekin behar eta nik ebakuntzak eta aukana ditut eta badetut protesisak eta gauzak, orduan historiek egiten ditut, sartzeko, makinetan bate pasa, beste pasa, zaintasunak, baina alde guztietan dira. Ezagutzen dute, ondo ezagutzen dituzte, baina berdin da. Aldi gero, gauza bera da. Ez da, ez du balio horpegiak eta neurriak eta xapelak ere ez du balio kendu eraitan diaten sartu entzin. Orduan, bestean neurrian zara eta gainea lehen usan duguna. Bai, bai. Sintxo ibili, bestela humilatu bazera azken ere ino. Eta persoak berdin. Persoak... ez dute, nortasuna han kanpoen utzi behar da. Gartzela harrimatu aintzin uste mozu nortasuna. Han ez du balio. Eta parrotan aien kasialat Ginez, Jon eta Unai hoita hiu urte jada kartzelan diela. Alors mes deux frères, cela fait faire 20, dans 3 mois 23 ans qu'ils sont incarcérés. Et ils sont tous les deux, en fonction des législations, incarcérés à perpétuité. Voilà, donc y a pas de, enfin, en France, il n'y a pas de fin. Et là, ils ne veulent pas le relâcher. Même la porte-parole du Parti Socialiste espagnol, la France obéit aux ordres de Madrid. Même pour les prisonniers qui sont mais doublement, parce que mon frère Yon, on l'accuse d'avoir commis des attentats en Espagne. Donc c'est Madrid qui décide que les parotes, on ne les libère pas. Hein. Ce qui est le plus cruel, je trouve, dans ce traitement, c'est entre autres les parents, qui, dès qu'ils commencent à être un peu âgés, alors qu'en mettant ces prisonniers le plus loin possible. Pendant des années, on avait Yon, il est un peu moins loin maintenant, mais quand même, à Paris, et Unai tout le temps en Andalousie, le plus loin possible, à la pointe de l'Espagne, Gibraltar presque. Et notre pauvre mère faisait, pendant, c'est elle qui a fait le plus de visites, 3 visites dans le mois, elle s'est épuisée. Et quand on commence à être un peu âgé, on ne peut plus faire ses voyages. Donc mon père est mort, ça faisait 6 ans qu'il ne voyait pas ses enfants. En ce moment, ils sont encore en train de les censurer. Ils ne peuvent pas avoir de courrier avant un mois, donc ce n'est pas en espagnol. Et notre mère, ben voilà, elle va atteindre les 6 ans comme notre père. Elle n'a pas pu voir ses enfants. La communication téléphonique, très compliquée. Il faut couper au bout d'un 5 minutes par semaine, quasiment inaudible. C'est très très cruel. C'est pour faire flancher les prisonniers, pour les couper de leur environnement. La pure cruauté de l'acharnement. C'est illégal d'ailleurs, dans toute législation. On a droit à tout ce qui est spécial. Voilà, avec l'épithète terrorisme, on met tout ce qu'on veut dedans. Et ils ont tous les droits, même ce qui est injuste, ce qui est hors illégal. Ils peuvent commettre toutes les inégalités inimaginables, quoi, voilà. Ils nous les appliquent, ils ne se gênent pas. Donc la cruauté, ça c'est un truc, c'est au niveau des droits de l'homme, quoi. Mais bon, c'est ce qui est... Voilà. Eta krudelkeia horren adibide bezala aipatuko deiku istantian Uxua Parrotek, ez da epai beharrik, ez da auzi batetan igan beharrik, ez da lege beharrik eraiteko sumat urte zer, zertako epailian aitzinean igan orduko argi eta garbi eranek. Izan bitzaie, ez diela sekulane presuntegitik elkiko. Quand ils l'ont arrêté, ils ont dit, toi tu ne sortiras jamais de prison, il faut en sorte de... Et les Français font la même chose. Voilà, s'ils pouvaient les laisser mourir en prison. Voilà, la juge le verrait déjà au départ. Disait, vous qui avez tué un juge. Hein, alors il n'y a pas de preuve qu'il a tué ce juge. Mais je vais vous dire qui c'est le juge en plus. Vous qui avez tué un juge, vous méritez de rester en prison, quoi, de ne pas sortir de prison. Parce que c'était la fraternité entre collègues, quoi. Hein. Et ce juge, il se trouve que c'était le juge numéro 1 du tribunal d'ordre public franquiste qui exécutait les opposants. C'est sûr que leur commando est responsable de ça, mais il n'y a aucune preuve. Hein. Donc, hein. Mais donc, entre autres, sur cette base, il s'acharne sur lui, sur la solidarité entre juges, même si c'est des juges fascistes, ils font pas de détails. Tout est bon contre les Basques. Hein. Notre frère Guillaume, on lui a refusé son avant-dernière demande de libération conditionnelle. Il aurait droit au bout de 15 ans à être libéré, mais bon, là, ça fait 23 ans, ils ne veulent toujours pas le relâcher. Ez da oano libratuik eta ez da jakinike oano nuiz libratuik leitekian, zen eta presuntegin ezagliak lege egiliak beitiae, ben beharraen gaztigi goxiaren beharraen arabera, lege berrien sortzen e badakie, eta lege berri hoien barnen hantikelkitzeko baldintzak gehiagoago eta zorrotzago diade, eta absurdoago, absurdo edo krudelago, Euskaz mintzatziaen nurbeaen identitate baten ez uko egitiaren seinale behita eta ezpalin badabe identitatea uko egiten oano behar dakartzelan egon. Dans la sentence, on lui a reproché de lire des revues, des livres en euskara, de s'adresser en euskara dans des lettres à d'autres détenus de les saluer en euskara dans la prison. Et l'histoire des livres et revues, c'est dans la sentence, quoi. Je ne parle pas de mouvance terroriste ou aversalée, mouvance basque. Là, le dernier, ils ont inventé une nouvelle loi votée en cachette pour refuser sa dernière demande de libération. Une loi votée. Ils ont appliqué, en fait, Sarkozy a fait voter, donc l'an dernier, au mois d'août, une loi qui applique à tous les perpétuités, même les perpétuités simples, les lois concernant la perpétuité avec des peines incompressibles pour les quatre espéciaux. Les violeurs et tueurs d'enfants, les cas vraiment ce qu'ils considèrent dangereux. Et ce sont des conditions de libération très restrictives. Et on a appliqué, entre autres, au prisonnier basque, le premier à qui on a appliqué, mon frère Yann. Puisque c'est un des rares qui est condamné à perpétuité en France. Enfin, en principe, vous êtes condamné, vous savez quand vous terminez votre condamnation. Mais là, c'est une condamnation sans fin, c'est inhumain. Ils changent législation. Et ils créent des lois pour les maintenir à vie, la doctrine à parole qu'ils appliquent à 80 prisonniers, je pense, ou 70 au moins. Mais c'est pour qu'ils sortent jamais à Ounaï, donc c'est ou 30 ans, ou 40 ans, plein, sans remise de peine, sans libération conditionnelle. Mais Ounaï, c'est 40 ans, il ne faut pas oublier, c'est pas 30 ans, c'est 40 ans, jusqu'à 40 ans. Hain humanista agertu nahi den estadu frantzes runeke nuiztenka beste begitarteik ustendu, nuiztenka edo usu, untsa sogiten balin bada. Jon Parroten kasian, krudelkeia hurun jamandu, aitaen ehortzetalat jiteko baimena eman deio, bena zeremonia handi bat bazen hortako prestatuik. On l'a amené à la sauvette, la veille, ils ont cerné le village d'Altsuku, qui est tout petit. Avec les mitraillettes, il a pu aller sur la tombe 5 minutes avec les chaînes aux pieds. Et donc c'est cruel aussi, quoi. Les chaînes aux pieds et aux poignets, mais tout le temps. Si vous le voyez, Yon, c'est vraiment un agneau. Il falsifie la réalité des gens, quoi. C'est dans leur scénario. Ils veulent leur donner une image de monstre, voilà. C'est tout à fait le contraire de l'image du monstre qu'on veut leur donner. Ça, c'est pour justifier leur acharnement. Ils ont toujours une falsification de la vérité, tout le temps. Le fait de nier la torture aussi, quoi. C'est un truc, un crime contre l'humanité horrible. Mais le fait de la nier et de se laver leur image, ça contribue à tout. C'est leur genre de politique, quoi. La politique qu'ils nous appliquent. Ce sont les gentils, les démocrates, et nous sommes les méchants, les vilains. Voilà, ce qui est complètement, comment dire ça, faux. Ursoa Parroten lekukotarzunako hortan utziko dutugu, eskertuko dugu prefosta hain gogor izan behardian familia baten istoiaen kuntatzia, eta ipar lehotiken ginez gain, ipar lehotikek badu be formatua, Ursoa Parroteie galto celebre sumait egin teitzogu, nahiz gehiak etzian halagizako ahinkeiaik galte egiten, bena horta patu gabe, beak haitatu dian bigeren kantoiae entzun behar dugu. Bai, heben hartzen. Uai, kantoe bat! Are! Imanol, Xabier Anaya, hil zuten. Un des premiers tués par le franquisme. Voilà, parce que nous sommes arrivés en Euskale, en Iparalde, la dernière année du franquisme. Et donc, on chantait en chœur pas mal de chansons militantes. Et une des principales, c'était sur... comment il s'appelait? Xabier... Xabier Echebarria, pardon. Et donc c'était un des premiers militants de la nouvelle génération exécuté par la garde civile. Hatik gue diskategian Xabier Anaya kantoia entzerkatzen hasi gilaik, eman nolek emaiten ziana. Ez dugu kausitu vinil zaharroietaik da, eta be gue modernizatu edo pu mundiaen martxan jarri beikia, huni alako alagastu antako etxakin. Be Imanolen kantoe hoi ez dugu, dena den Imanolen beste kantoe bat, nunbait Ursoa Parrotek kontatzen deikun hilduai, hainbat lotzen dela idutzen betzait, hau da egia garesti dela. Eldu zen uda berria, kantu zasien aria. Lagunak preso jauzi direla, iritsi zait gaur berria, iritsi zait gaur berria. Urtu zira den elurrak, narrotu otxo zakurrak. Oraino ere minberaz daude, ene lagunen ezurrak, ene lagunen ezurrak. Lainoa ziren odoldu, gizon prestuak isildu. Behin berriro ere gure Sisifo, maldaz bera amildu, maldaz bera amildu. Konzientziak urratu, bakea dute saldu. Lau hormartean egin dituzte, bizirikan enterratu, bizirikan enterratu. Indarra dela morala, ordena dela kabala. Agertu dute gizonaren zat, egia garestira. dala, egia garesti dala, egia garesti dala, egia garesti dala. Ipar leiotik Urentzeko galto celebrea kursua parotekin. Galtoa arrapostia. Tu croises Jésus-Christ dans la rue, qu'est-ce que tu lui dis? Pour une athée, tu me poses une drôle de question. Es-tu vraiment ressuscité? Parce que tu ne t'actives pas beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que je peux te proposer? Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Ah, un chat, j'adore, je suis une adoratrice des chats. Une gaga de chat, c'est un animal que j'aime beaucoup. Le plus grand défaut que tu te connaisses? La gourmandise. Mais de la vie aussi, alors là c'est d'une qualité plutôt. Ça va de pair. D'accord. Plutôt de la vie, donc voilà, je suis le contraire d'une dégoûtée. Là, j'apprécie la vie. D'accord. Malgré tout. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais? Je donnerais l'instruction, l'intelligence à tous. Je trouve qu'avec l'instruction et la culture, on peut arranger beaucoup de choses. D'accord. Qu'est-ce que je peux te dire encore? D'un seul coup, tu te trouves devant la lampe d'Aladin, d'où sort le génie qui peut exaucer 3 souhaits. Et quels est-ce qui seraient ces souhaits? Et personnellement, pour moi, personnellement. Ouais, ouais. Rajeunir. pour pouvoir faire de. Parce que j'ai l'impression d'avoir de piétiner avec mes frères en prison. Là, ça en perd. La vie s'arrête un peu, quoi. Et rajeunir. Donc, être plus efficace, pouvoir agir davantage. Donc voilà, et ne jamais et parler couramment euskara. Du jour au lendemain, on tease. À devenir euskaldune 100%, là, je serai heureuse. D'accord. La dernière, ton plat préféré? Je suis une. C'est pas un plat ou un produit? Ce que tu veux. Parce que si c'est un produit, si tu veux. Attends, moi je suis une adoratrice du chocolat parce que j'ai besoin de. Ça calme, il paraît. Autrement, hérité de notre voyage en Algérie, le couscous, je trouve que c'est très. Ça peut être très diététique si on le fait bien comme le faisait ma mère. Bon, il y en a qui vont trouver que pour nous, c'est pas tout à fait basse comme truc, mais le couscous c'est un très bon plat. D'accord. Convivial. Hala zertan irentzen zaikun aste juntako ipar lehotik hau, esker beuenak Ursua Parrotei, ezpeita behantako lana izena izan, zanuntza...